Chapitre 17e. Dans sa première enfance, surtout pendant les premières années qui avaient suivi la mort de sa mère, Marthe était souvent venue à la Quétive. M. Denis n'était point alors propriétaire de Châteaupignon. Il n'avait pas de maison de campagne, et quand Marthe avait besoin de prendre l'air, ou bien quand elle avait éprouvé une indisposition d'enfant, c'était la Quétive qu'on l'envoyait avec sa vieille bonne qui l'élevait. Ainsi, et à plusieurs reprises, elle avait fait de longs séjours chez son grand-père. À cette époque, des relations suivies, presque intimes, liaient le beau-père et le gendre. M. Denis venait quelquefois passer la journée du dimanche dans la lande, et de son côté, M. Hazimbert venait aussi visiter assez souvent son gendre à Bordeaux. Mais peu à peu, avec le temps et plus encore avec la fortune, ces relations s'étaient refroidies. À mesure que M. Denis avait grandi, les points de contact et de sympathie qui existaient entre le beau-père et le gendre avaient diminué. M. Hazimbert était une espèce de paysan du Danube. S'il n'avait point le regard de travers et le nez tordu, il avait la barbe touffue. Surtout, il avait de l'homme de Marc Aurèle, le parler droit, franc et rude. Pour dire les choses telles que son honnêteté les sentait, il ne mettait pas de gants, et sa langue naïve ignorait l'art des périphrases. Quand M. Denis était devenu député de la Gironde, le père Hazimbert avait tenu, au milieu du monde officiel qui fréquentait la maison de son gendre, des discours embarrassants pour celui-ci, puis en même temps, par sa façon d'être, il s'était montré assez gênant dans une maison qui se mettait sur un certain pied de respectabilité. Pour venir à Bordeaux, il ne changeait rien à ses habitudes. Il chaussait ses souliers lacés, il endossait sa longue redingote de gros drap gris, il se coiffait de son chapeau de feutre à large bord, et il arrivait dans le salon. Il se mouchait comme s'il eût voulu imiter le bruit de l'ophicléide. À table, il mettait ses deux coudes sur la nappe, et le jour où, pour la première fois, on lui avait servi un rince-bouche, il avait avalé l'eau chaude de son bol en déclarant que c'était une drogue affreuse. Devant l'honorable maître d'hôtel, qui ne riait pas, mais qui exagérait encore son dédain, une pareille tenue était vraiment blessante pour M. Denis. Bien entendu, il ne s'en était pas plaint, mais il s'était arrangé de manière à voir moins souvent son beau-père. Pour son caractère, il avait conservé le plus profond respect, et bien certainement, s'il avait eu besoin d'un conseil dans une circonstance solennelle, il aurait tout d'abord pensé à lui. Mais dans les rapports de la vie ordinaire, il avait préféré le maintenir à une certaine distance. Honnête homme, cela ne faisait pas de doute, cœur excellent, caractère élevé, mais un ours et un ours fort mal léché, bon dans les Landes, embarrassant à Bordeaux. Le second mariage de M. Denis avait achevé ce que ses différences d'habitude et de goût avaient commencé. Une séparation s'était faite entre eux. M. Hazimbert était venu une fois ou deux par an voir M. Denis à son comptoir, et M. Denis n'était plus venu à la Quétive. Cette séparation, naturellement, s'était étendue jusqu'à Marthe. Après être venue pendant une douzaine d'années, passer chaque saison quelques mois avec son grand-père, elle avait cessé d'y venir même pour quelques jours. Elle n'avait personne pour l'y amener et ne pouvait pas voyager seule. Cependant, elle n'avait pas cessé d'entretenir des relations avec lui, et pendant tout le temps qu'elle était restée à Paris, comme depuis qu'elle était revenue à Châteaupignon, elle lui avait toujours écrit régulièrement. Il avait été pour elle un confident et un ami. En se retrouvant au milieu des lieux où elle avait passé tant de journées heureuses, en revoyant les objets qui avaient servi au premier jeu de son enfance, Marthe éprouva un profond apaisement. Elle respira, et ses nerfs se détendirent. Ce douloureux voyage était fini, elle n'avait plus rien à craindre du hasard. Elle s'arrêta et regarda autour d'elle avec un sentiment de bonheur. Là était la maison d'habitation avec son toit de tuiles rouges, plus loin les granges où elle avait joué à se cacher, la bergerie vide de moutons, le four au pain, le puits avec son auge pour les bœufs, puis, tout autour, excepté du côté de la route agricole, la pinède, autrement dit, le bois de pin. C'était sur cette auge qu'elle avait fait flotter son premier bateau construit dans une planche. C'était dans cette bergerie qu'on lui avait donné son premier agneau noir, qu'elle promenait derrière elle avec un ruban blanc au cou. Un paysan vint à passer, portant sur sa tête une grosse bourrée de bruyères fleuries. Il s'arrêta pour la regarder, puis après l'avoir longuement dévisagée, il porta sa main à son front. « C'est mademoiselle Marthe, » dit-il, « en voilà une surprise. »« Bonjour, Arnaud. Oui, c'est moi. Tu me reconnais donc ?»« Pardi, le maître va être bien content, car on parle de vous souvent. » La Quétive est un petit hameau d'une douzaine de maisons qui se trouve à 5 ou 6 kilomètres de Gabas, à l'entrée de la Lande rase. La maison de M. Hazembert était la plus importante de ce petit groupe, mais encore était-ce plutôt une métairie qu'une habitation de bourgeois, car M. Hazembert possédait quelques terres dans la lande qu'il cultivait lui-même avec l'aide de trois paysans à son service depuis plus de 40 ans. C'était de chétives terres, produisant de chétives récoltes et nourrissant de médiocres moutons. Mais cependant, dans ce pauvre pays où la culture est si misérable et si pénible, c'était quelque chose, et le juge de paix était le plus riche propriétaire, ou plus exactement, le moins pauvre de son hameau. La pinède qui entoure la maison est de peu d'étendue, et les pins qui la composent ne sont pas d'une bien belle venue, tant la terre est là de mauvaise qualité. Cependant, ces pins sont exploités, et tous portent, le long de leur tronc, des cicatrices rouges par lesquelles s'écoule la résine en larmes blanches cristallisées. Ébranchés jusqu'à la cime, ils ressemblent de loin à des palmiers, et quand ils sont balancés par la brise de la mer, ils font entendre une musique monotone qu'ils chantent tristement comme s'ils se plaignaient de leurs blessures. Cette brise, en passant entre leurs aiguilles et leurs colonnes serrées, se charge d'un âpre parfum balsamique qu'elle porte au loin et qui va assainir l'air vicié des marécages et des flaques d'eau stagnante. En sortant de la pinède, Marthe se trouva dans la lande rase qui s'étend jusqu'à Gabas et bien au-delà. Alors, elle regarda loin pour voir si elle n'apercevait pas son grand-père revenant à la maison. Mais jusqu'à l'extrémité de l'horizon où ses yeux coururent à perte de vue, elle n'aperçut que la plaine rougeâtre qui s'étalait devant elle, plate et monotone. Çà et là seulement, quelques arbres chétifs dressaient leurs cimes noires qui se découpaient sur le bleu du ciel. De distance en distance, les ajoncs jaunes succédaient aux bruyères roses, puis les champs de fougères, se mouvant sous la brise, remplaçaient bruyères et ajoncs. Le tout produisait une confusion de couleurs qui se fondaient dans les lointains en de grandes lignes sombres. Sur cette immense étendue, et dans ces profondeurs insondables pour l'œil, régnait la solitude et le silence. C'était à croire qu'on était isolé au milieu d'un désert. De temps en temps, cependant, tout au loin, au-dessus de cet océan de verdure, se dressait une forme noire, à l'aspect bizarre, qu'eût frappé d'étonnement l'étranger arrivant pour la première fois au milieu de ces espaces immenses. Un corps sombre, qui paraissait ne pas toucher à la terre et marcher au-dessus des plantes sans les courber. C'était un berger monté sur ses échasses qui surveillait ses moutons perdus dans les genêts et les herbes. Parfois aussi la terre tremblait et l'on entendait un bruit sourd. C'était une troupe de chevaux libres qui prenaient leur galop et s'ébattaient joyeusement, poulinières et poulains, à travers la plaine. Marthe connaissait ces mystères de la lande. Jamais cependant elle n'en avait ressenti si fortement la poésie. Elle resta longtemps assise sur le bord du sentier, au milieu des bruyères en fleurs. Elle écoutait les mille bruits des insectes qui cheminaient et travaillaient dans les herbes. Elle respirait les exhalaisons qui s'élevaient de ces plantes. Elle se souvenait. Combien de fois était-elle venue ainsi se coucher le soir dans ces bruyères? Combien de fois avait-elle couru après les papillons à travers ces plaines? Comme elle était heureuse alors et tranquille. Et maintenant, comme elle était tourmentée, agitée et inquiète. Peu à peu, le soir se fit sur ces solitudes. Le soleil s'était couché dans la mer, au-delà des dunes ondulées comme des vagues immenses, et sur toute la plaine s'était étendu un voile sombre, tandis que le ciel restait éclairé d'une lueur pâle. On n'entendait plus un cri d'oiseau, un hennissement de cheval, un bêlement de mouton. Le sommeil et le repos descendaient sur la lande. Au hameau seulement, la vie était encore dans toute son activité. Et au-dessus de la pinède flottaient des petits flocons de fumée jaune. Les paysans étaient rentrés à la maison pour le repas du soir. Tout à coup, Marthe, qui ne quittait pas des yeux le sentier qui de Gabas vint à Lac-Étive, aperçut une forme noire s'avançant au milieu des ajoncs. Elle se leva vivement et elle vit un grand vieillard à barbe blanche qui marchait bon pas, la tête nue et le chapeau à la main. C'était son grand-père. Elle courut au-devant de lui. Alors, voyant une femme venir, il s'arrêta, surpris. « Est-ce possible ? » dit-il enfin d'une voix forte qui résonna dans le silence. « Oui, grand-père, » cria Marthe, « c'est moi. »« Marthe, c'est Marthe !» Et au lieu de marcher à elle, il s'appuya sur son bâton. « C'est toi, » dit-il, « toi. » Elle était dans ses bras et elle l'embrassait. Il se remit bien vite de ce mouvement de trouble. Alors il l'éloigna doucement et la regarda avec attention. « Ton père, » dit-il, « rassure-toi, il n'est pas malade. S'il l'était, je ne serais pas là. Ses affaires, non, ce n'est pas de mon père qu'il s'agit, c'est de moi. Je suis bien malheureuse, et je viens à toi, grand-papa, pour que tu me protèges, pour que tu me sauves. Ta belle-mère te fait souffrir. il y a longtemps, n'est-ce pas? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ta dernière lettre était comme toutes les autres, et rien ne me faisait prévoir que tu allais m'arriver ainsi et pleurer. Je ne savais pas, il y a quelques jours, que je reviendrais jamais à me sauver de la maison pour te demander abri et protection. Sauver? Toi, Marthe, tu t'es sauvée de la maison de ton père? Ah, ma pauvre enfant, cela est bien grave. Oh, si tu me grondes, grand-père, je n'aurai jamais le courage de te dire tout. Je ne te gronde pas, puisque je ne sais rien. Je suis inquiet de ta résolution, voilà tout, car tu n'es pas fille à avoir cédé à un coup de tête. J'ai cédé au désespoir, et je suis venu à toi, parce qu'il n'y a que toi qui puisses me protéger. Contre ta belle-mère? Contre mon père, qui veut me forcer à épouser un homme que je n'aime pas, que je méprise et que tout le monde méprise. Mais pour que tu me comprennes, pour que tu m'excuses, il faut que je te dise la vérité, toute la vérité. Parle, mon enfant, et avant de rentrer à la maison, ouvre-moi ton cœur. Je suis le père de ta mère, je suis ton ami, et tu sais que je t'aime tendrement.